Alors, je comprends pas vraiment. Sur mon écran d'ordinateur devant moi, c'est marqué Avast, antivirus gratuit. Je vois pas ce que ça vient de faire. Il n'y a pas de groupe qui s'appelle Avast, antivirus gratuit. C'est pas du tout ça. Parce qu'on reçoit aujourd'hui un certain Max. On va pas dire Max, parce que Max, ouais, c'est le prénom, mais Max qui nous vient de la belle ville de Metz. Ouais, c'est ça. Et le concept et le... J'allais dire le groupe, tu es tout seul. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Blown of Man. Blown of Man, c'est... On dit Main ou Man, parce que c'est... Man, parce que tu man, c'est vrai que la prononciation du A, moi je dis Main. Bah oui, Main. Ça c'est le côté irlandais. Voilà, c'est ça, c'est le côté plus, ouais, britannique. Oui, tu es écossais en plus, donc... arrêtez avec le donqueux, s'il vous plaît. Chaque fois qu'il y a un donqueux, c'est 1 euro qu'Antoine met dans la tirelire. Non, c'est Antoine qui met dans la tirelire. C'est pas moi qui met dans la tirelire d'Antoine. Talent d'ici avec Black of Man. Blown of Man, ça veut dire quoi? Tout le monde te le demande. Oui, c'est ça. Bah, c'est un concept, un jeu de mots. Effectivement, l'homme qui n'implose pas, en fait. C'est qu'en fait, tu gonfles. Pas du tout, non. C'est pas un ballon de baudruche, mais c'est effectivement, c'est l'homme qui reste bloqué. Qui n'espère pas, l'homme qui... C'est un peu un concept qui, je trouve, identifie bien les hommes d'aujourd'hui, de notre société, les humains. Sous contrôle. Voilà, qui n'ont plus de passion, qui remplacent peut-être une vraie passion par des objets, par exemple, connectés, matériels. Voilà, c'est vrai que mes chansons, elles décrivent un peu cette société, mais toujours sous l'angle de la poésie et d'une histoire, en somme, puisque je ne suis pas un musicien, raconte une histoire. Alors, par contre, tu racontes tes histoires, mais en anglais. En anglais, voilà. Pourquoi? C'est ça. J'écris en français parce que je trouve que le français se prête vraiment à l'écrit. Mm-hmm. C'est une belle langue écrite, le français. Mais effectivement, après, je repasse en anglais pour la musicalité, le chant. Tu sais que Balavoine a chanté une chanson qui s'appelait « Moi, je dis que le français est une langue qui résonne ». Oui. C'est beau, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on vient de dire. C'est le coup de passer Balavoine dans la conversation. Bah si, on ne pourra pas le retirer du montage, celle-là. Donc tu traduis après en anglais, c'est ça ? Ouais, je traduis après en anglais. Mais les rimes ne sont pas les mêmes. Les rimes ne sont pas les mêmes. Parfois, les textes avec la traduction en français changent. Donc les structures en français changent, donc je réécris aussi. Mes textes, je les écris, je lis beaucoup, je me documente beaucoup pour écrire mes textes. C'est vrai que moi, j'arrive pas à écrire sur le coin d'une table. Il y en a qui arrivent, moi, j'arrive pas. J'ai jamais réussi. J'ai déjà essayé. Parce que l'Obispo, il fait très bien ça. Ça donne savoir aimer, et puis savoir comprendre, et ne rien faire qu'apprendre. Bah, c'est pareil, c'est Obispo, c'est Florence, c'est la même maison, c'est la même crèmerie, donc je suis désolé. Alors, par contre, c'est pas un EP, c'est un album, il y a combien? 7 titres. Ouais. C'est ça? Huit titres, je veux pas le huitième, moi. Ouais, non, ah oui, avec qu'on va écouter tout à l'heure. Il est en vente Il est en vente à la Face Cachée depuis mars de l'an dernier. Donc, 2019. Donc on peut le trouver à la Face Cachée. Actuellement, donc, je pense que 2020-2021, ça sera 2 années qui vont être synonymes aussi de préparation d'un second album qui, lui, sera... pour le coup, entièrement produit de A à Z par 3H Productions, je l'espère, pour le coup. Ce premier EP, la production, c'est une semi-production, c'est-à-dire que j'ai eu... Tu sais quoi ? On va l'écouter. Ouais. Tu gardes sous le coude ce que tu allais dire. Ouais. Parce qu'après, j'ai des gros signaux d'Antoine qui fait « Ah là là là, on passe vite ». D'accord. Most Holy Man, c'est le premier titre que l'on écoute avec ce jeune homme qui s'appelle Blown of a Man. Ah oui, mais c'est ça le nom de l'album. C'est pas évident. Alors, je voudrais que juste avant, tu me le lises correctement. Parce que Which kind of cancer soul you are. Alors, en gros, c'est une question qui est posée. Jusqu'à quel point êtes-vous consensualiste, malléable. Et c'est en lien vraiment, par exemple, avec l'intérieur de l'album, qui sont des photos personnelles que j'ai prises lors de mes différents voyages, périples professionnels, pour le coup, et touristiques, notamment en Grande-Bretagne, Écosse, Irlande, où à une époque j'organisais des séjours, on va dire, de loisirs. Bon, c'était une époque lointaine. Et sur chaque photo dans l'album, un élément est censé interroger sur cet aspect consensuel, des fois ce paradoxe. Voilà, y a des choses. Si on prend par exemple une photo, on voit ici une photo d'appartement, donc prise à Derry en Irlande du Nord en 2016. Et en fait, les appartements ont été montés dans une ancienne tour de garde de l'armée anglaise à l'époque, hein, qui était installée là-bas. Et ça prête la question, moi je me suis toujours posé la question sur les gens qui habitaient là. Est-ce que les gens qui habitent là savent que il y a eu des choses dans cette tour et que et voilà, ils y habitent. Voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, je juge pas, mais après c'est voilà, c'est la question du Tu sais qu'à Nancy-Vandeuve, il y a une espèce d'ancien château d'eau qui a été refait en appartement. Donc un château d'eau, c'est peut-être différent. Mais là, c'est une tour de garde qui était militaire, donc avec des exactions, voilà, des choses qui se sont passées. Ou contre l'Irlande, principalement. Non, contre l'Irlande. Bah, de l'époque. Hein, ouais. Ouais, de l'époque. Hein. C'est vrai que je connais vraiment ce contexte-là parce que j'y ai travaillé, j'y ai voyagé, tout ça. Hein, et en 2016, j'ai été vraiment frappé par dans ces contrées de tous ces paradoxes et de ce genre type de paradoxe. Il y en a plein. Hein, on a par exemple une pub commerciale sur politique, mais une pub commerciale là, par exemple, pris en photo comme la pub commerciale de chez Lidl sur les moins 20% sur le gel douche Sanex. Enfin, c'est des trucs qui sont peut-être impensables ici. Et la pochette de l'album, c'est important d'en parler. Donc ça, c'est une photo. On va quand même écouter le premier titre. Okay. Sinon, c'est extrêmement intéressant. Alors, le premier titre, c'est Black Hole Memory. My La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Talent d'ici avec aujourd'hui Blown Off Man, alors Off 2F. 2F comme on off, l'homme fermé, l'homme éteint, l'homme qui n'impose pas, c'est toujours le jeu de mots. On off, j'avais pas fait. C'est pas traduisible directement. Antoine, t'avais fait la différence ? Ah bah voilà, Antoine non plus, ça me rassure. Ouais. Ça me rassure. ce titre-là qu'on vient d'écouter, donc on rappelle le titre, c'est Black Hole Memory. Memory, c'est d'abord ça veut dire quoi déjà pour ceux qui le mémoire du trou noir. C'est peut-être un petit peu conceptuel comme truc, mais moi je vois bien. Mais c'est vraiment le trou noir dans l'espace. Le fait qu'on n'apprend pas de l'histoire, qu'on répète les mêmes, qu'on est un peu dans une sorte de moment présent et qu'on le vit de manière un peu dans le vif. Et moi, j'ai toujours l'impression que les gens gèrent un peu leur vie ou même les gens qui nous gouvernent par des bulles de crise, des bulles existentielles et ils vont par bulles et sans se dire sans penser à des choses qui sont arrivées avant et vont gérer l'urgence, la bulle. Voilà, d'accord. Comme une sorte de bulle spéculative sur la vie, quoi. Comme il y a eu en 2008, d'ailleurs, il y avait une bulle. La crise, même que Sarkozy a dit, c'est pas de ma faute, c'est la crise. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, j'étais parti pour la première fois en Irlande en 2007 et j'ai vu les conséquences de la crise immobilière là-bas. Et quand je suis revenu en France à l'époque, on n'en parlait pas trop. Je me souviens, j'ai dit à ma famille, à mes parents, j'ai dit... ça va être méchant ce qui va nous arriver là. Et pouf, il y a eu la crise qui est arrivée, c'était prophétique. D'accord. j'ai vu les conséquences de la crise immobilière en Irlande qui ont enchaîné sur la crise économique avec des lotissements entiers vidés. C'était pas les subprimes. Et des lotissements vidés avec encore les meubles dedans. Il y avait plus personne dedans et les gens étaient partis. Et il y a eu ça aussi aux États-Unis dans la ville de Détroit par exemple. Ouais. Il y avait tout était abandonné, les hôpitaux, les maisons, avec les voitures devant. C'est assez étonnant. C'est fou et j'avais vu un autre truc fou aussi en 2007. Alors ça m'avait secoué. C'était le retour des troupes américaines d'Irak. Sur l'aéroport de Shannon, sur la partie américaine de l'aéroport, puisqu'ils étaient partenaires toujours en Irlande. En Irlande. Et les mecs avaient des têtes, des trucs. Il n'y avait plus rien dans le regard. C'était cassé, les mecs. Mais vraiment, les mecs... J'ai bu un coup, un café à l'aéroport sur cette zone-là, avec un militaire à côté de moi. J'ai voulu parler, le mec, il était... Il était plongé, perdu dans sa bière ou son café. Il était complètement le zombie, quoi. Donc, et ça, c'est... On oublie qu'il faut un travail psychologique à faire après. C'est clair. Comme ceux auparavant qui partaient en Indochine ou en Algérie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore pire parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Donc, c'est assez particulier. Juste avant d'écouter Park, oui. Pourquoi tu fais des titres aussi longs ? En termes de temps ? Oui, en termes de temps. En fait, l'idée de ce projet au début, c'était vraiment m'inscrire sur une dynamique un peu... post-rock ambiante comme le ferait ou Mogwai et finalement après notamment des retours de personnes ou de gens, je pense notamment à Fabien Pilar de l'usine guitariste Venus Dust ou de Sick But Not Dead, je le cite parce qu'on a fait des choses ensemble, ou même Raoul Lénager, 3H Productions, on a retravaillé sur la durée, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit quand même sur des formats, entre guillemets, écoutables par l'auditeur. Il y a des groupes qui font du 8, 9 minutes, ou 7 minutes, mais c'est vrai qu'avant, j'avais des titres qui étaient beaucoup plus longs, et je voulais que ça s'inscrive comme une sorte de BO de film. Je pense toujours à Excite Music de Radiohead, mais c'est vraiment C'est vraiment dans cet esprit-là. Et finalement, je suis revenu, l'entonnoir, quoi. Je suis revenu à des titres plus... je me suis un peu retiré de cette démarche artistique qui est trop... qui est bien pour, j'en sais rien, un documentaire, une fiction, mais qui n'est pas, entre guillemets, je dirais, pas, entre guillemets, pas écoutable, mais pas jouable sur scène. Enfin, on n'est plus, dans les années 60 avec des titres à rallonge de 10 minutes. Quoi, tu sais, il y avait les Supertramp qui étaient capables de faire des titres de variété, de musique pop pendant 5-10 minutes. Oui, tout à ouais, fait. Ouais, Supertramp. Ouais. Ça me fait penser aussi à Lost Highway, tu sais, dans le film de David Lynch. David Lynch, ouais. Lost Highway. Là, bah, c'est I'm Deranged. De Bowie qu'on entend à un moment. Parc que l'on va découvrir. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. Donc écoutons Parc avec Blonde of Man dans Talent d'ici. Thank you. Blonde Hoffman ouais. dans nos studios. Un extrait de l'album qui est sorti en 2019. En 2019. C'était quel mois ? Mois de mars. Mois de mars. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues pour Alors, la prochaine date, donc après cette session de radio, elle sera au mois de mars. Elle n'est pas encore fixée. Je jouerai, j'ai eu l'opportunité de jouer pour clôturer un défilé de mode. Ah oui. Qui se situe à Metz ? Ouais, Metz, pour un lieu. Le lieu est encore inconnu pour le coup. Moi, je sais où il est, mais pour des raisons de com. C'est quelle institution ? C'est quel... Alors, c'est un magasin c'est ou... Ça sera, oui, c'est un commerce, galerie. Ce sera plutôt une galerie. Lafayette ? Non, pas Lafayette. Non. Galerie, un peu galerie d'art, entre guillemets. D'accord. Ça fait un peu galerie d'art. Mais c'est un défilé. Donc, ça sera le défilé de la nouvelle collection de Frank Shepard Ferré, l'artiste street art américain. Opportunité tout à fait hasardeuse. J'ai acheté, en fait, ça s'est fait pendant les fêtes. J'allais faire mes emplettes de Noël. Non, c'est sans déconner. Et je suis allé dans un magasin, il y avait un corner Obey, donc la marque de Ferré, et j'ai acheté des bonnets pour quelqu'un de ma famille. Pas que ça, mais... Pour Kenny. Voilà, pour Kenny. Pour Kenny. C'est ça. Et on a un peu parlé avec la professionnelle qui était là, de la marque, et elle me parlait de vente privée, de défilés et tout. Et je lui dis, mais défilés au B, mais c'est quoi ça? Vous pouvez m'expliquer l'événement? Et je lui dis, bah, écoutez, moi je suis musicien. Est-ce que vous intéresserez d'avoir aussi d'autres musiciens à votre événement, pour le coup? Ah ouais, ça serait génial et tout. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, on a un peu échangé. Elle me dit, ouais, super, on va faire ça. On s'est revu il y a... entre Noël et Nouvel An pour caler quelques trucs. Et puis, ça va se faire. Ça va être cool. Elle a pu écouter ce que tu faisais. Ouais, je lui ai envoyé des liens. Donc, on va jouer, pour le coup, avec Adam, un groupe de rock français très énergique du label 3H Productions. Et puis, avec un troisième artiste, normalement, variété française, chanson, qui s'appelle Guigiz, qui fait... musique très influencée Moriarty, pop. De toute façon, Moriarty, c'est le méchant dans Sherlock Holmes. Oui, c'est le méchant, c'est le docteur. Méchant. Ouais. C'est très musique d'ambiance. Enfin, c'est post-rock, ambiante musique. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. C'est... Ouais, c'est ça. Je parlais hors micro, j'en ai pas parlé à l'antenne, là, mais Peter Gabriel, l'album OVO, c'était bien parce que ça se lit dans les deux sens. Alors ça porte un nom quand on peut le lire d'un sens ou dans l'autre, vous chercherez. C'est un palin. Un palindrome ? Ça, ouais. Palindrome, tout à fait. Heureusement que je suis là. Hein. OVO, vous écouterez sur Deezer, peut-être que c'est dessus. Et puis, est-ce que tu es sur Deezer, Spotify ? Non, je suis juste sur SoundCloud dans l'immédiat, mais je compte me mettre aussi sur Instagram bientôt. Là, Est-ce que tu comptes te mettre derrière le micro pour la partie live aussi ? Je regarde si mon enchaînement est bon, Antoine. Oui. Merci Antoine, merci pour les bisous. Merci. C'est pas normal, quand il fait des bisous, c'est qu'il a une conjonctivite. Ah bon? Non, parce que je cherche qu'elle a mode comme maladie en ce moment, c'est une gastro. Gastro-entérite. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je t'en passe pas, Antoine. Il nous a ramené des saloperies d'Auvergne. Excusez-nous, messieurs, dames, c'est moi qui dérape. Tu vas nous interpréter un titre qui dure combien de temps ? Il s'appelle comment déjà ? Donc, ça sera pour le coup Asylum, ouais. Qui est le premier titre de l'album. Voilà. Ça raconte une rupture amoureuse d'un monsieur que j'ai connu il y a quelques années, mais il y a fort longtemps, et qui a terminé, qui s'est fait interner, qui s'est fait, il a vécu un calvaire, et je trouvais que à l'époque ça avait pris des proportions, et je dis, un de ces quatre, si je fais un truc, je vais lui écrire un texte à ce monsieur. Donc voilà. Il s'en est sorti ou pas ? Oui, il s'en est sorti. Je l'ai revu il y a quelques années dans un cadre pro, quand je travaillais dans le commerce, il y a en tant que client, je l'ai revu, je lui dis ah salut, ça va, ça va, non, ça allait, mais le mec, ça, il avait l'air d'aller bien, quoi. Mais le mec, la rupture l'a emmené jusqu'à l'internement. Enfin, c'était un truc de fou. À l'époque, moi, j'ai trouvé ça, je dis putain, c'est pour ça que je dis, ben, prenez des chats. Hein. Ouais, c'est ça, prends. Manger des pommes. Hein, comme manger des pommes, comme disent. Je suis allé s'installer pour Asylum. Ouais. S'appelle Blood of a Man. Il y a Of a Man. Tout à fait. Of Man. Ah, on dit Of Man ? Ouais. Ah, il off a tout main. Cassé. Blood of Man. Yes. Ah oui, Man. Man. Voilà. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Vous écoutez Talent d'ici, Asylum par Blonde Hoffman. Talent d'ici avec David Ménard. Si, si, je l'ai bien dit. Blonde Hoffman, ok, qui est dans nos bureaux aujourd'hui, dans nos locaux, dans les bureaux, parce que tu travailles dans un bureau en temps normal. Ah oui, en temps normal. Mais oui. tu n'es pas aussi torturé que ce que tu viens de jouer, par contre. Non, ça va, je me soigne. Non, je plaisante. Alors moi, je voudrais placer deux choses, c'est-à-dire que j'ai un assez long vécu maintenant. J'y retrouve des sonorités de Jean-Louis Murat quand il joue sur scène. D'accord. Okay. Parce qu'il a sa guitare, c'est souvent la même, c'est un peu comme toi. C'est avec Strat, ouais. Voilà. Les sons sont quasiment identiques et lui il est carrément en lévitation, il ferme les yeux, ce qui n'est pas bien pour le public parce que le public est là et il a envie de le voir, donc il a des yeux perçants. Et puis il y a un film que je vous conseille qui s'appelle Only Lovers Left Alive avec Tom Hiddleston qui est un acteur qui joue des héros d'habitude et Tilda Swinton effectivement. Il se trouve que c'était à Détroit, j'en parlais tout à l'heure. Et pour avoir du sang, ils vont dans un hôpital où il y a des poches de sang. Et lui, il joue de la guitare. J'aime bien le parallèle avec ma musique. C'est musique de vampire. Ah bah c'est, non, mais c'est... il en faut pour les vampires, de la musique. C'est ça. Moi, je suis d'accord pour leur jouer Lara Fabian, mais... Big up à tous les vampires qui exactement, nous écoutent. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ils nous écoutent, il y a un groupe de vampires. Voilà. Donc, ce que tu viens de nous faire en démonstration, c'est donc l'histoire de cet homme qui a perdu tout contact avec la réalité. C'est ça. Ouais, qui s'est en fait... a été dépossédé de sa liberté, en fait, hein. Et ses amis qui le soutenaient, quoi, parce que le mec, moi j'ai de souvenirs, hein, pendant une paire de mois entiers, on l'a pas vu, quoi. Ça c'était un truc, on savait même pas où il était, puis on a su bien après qu'il avait été interné, le mec. Bon, voilà. Et pour, comme tu es né en 87, ouais. Le titre que tu vas nous interpréter dans un instant, c'est Mad World. Mad World de Mais tu Roland... n'étais pas né Alors, je n'étais pas né. Eh non. Non, je n'ai pas pris de DeLorean volante non plus pour aller voir. Oui. Voilà. Retour vers le futur. Bon, je suis en train de la construire. Hein, je construis Goldorak, donc je vais y arriver. Je déconne. Un jour, je pense que je vais le vendre comme ça. Ah merde, il existe déjà. Parce que moi, je voulais construire le vrai Goldorak. C'est-à-dire avec le en ferraille et tout, et puis le moteur et tout. Oui, donc toi, c'était... mais les tirs sourcils, parce qu'ils ont bien marché, alors, puis un jour, ils sont séparés. Comment j'ai eu l'idée de reprendre ça? En fait, j'avais commencé un projet un peu trip-hop avec une chanteuse qui a une très très belle voix, qui s'appelait Olivia. D'ailleurs, je la remercie sur l'album, si elle nous écoute. Dédicace à Olivia. Et on avait commencé à travailler sur des reprises. Et il y avait Mad World. Elle m'avait envoyé une reprise d'un obscur chanteur, mais qui n'est pas Tears for Fears. Et moi, j'ai fait des recherches, je suis un peu regardé l'original, parce que je me dis, il y a forcément un original ou de l'interprétation de la reprise de ce chanteur. Et je suis tombé sur celle de Tears for Fears. Pourquoi c'était pas un titre des Tears for Fears? Si, bien sûr. C'était Roland Zabal en 82 et sorti, je crois, en 83 sur un EP, un truc comme ça. J'ai regardé. Et à un moment donné, on l'a travaillé avec cette chanteuse. Et je trouvais que c'était pas assez sombre ou pas assez. Je trouvais que cette chanson, elle était un peu. Elle décrit quand même quelque chose qui est pas drôle. Un trauma, à un moment donné, ça parle de l'école, il y a une forme de traumatisme de l'école, etc. Ce que beaucoup de personnes ont peut-être vécu aussi. Et je trouvais que moi, elle me parlait, pas parce que voilà, mais elle me parlait sur le plan de tout ce que j'écris ou musicalement. Et je trouvais qu'elle pouvait bien s'insérer. Et puis, et je fais à Olivia, je dis écoute, moi, j'ai essayé un peu de la jouer, de la chanter. Je chantais à côté. Et j'ai commencé à jouer à la guitare et elle me dit mais on va pas la reprendre. Je lui fais pourquoi? Ça peut être bien et tout. Non, mais on va pas la reprendre. Elle te colle vraiment à la peau. Faut vraiment que tu la fasses. Et on m'avait dit ah, tu devrais faire une reprise dans le cadre de Blonde Hoffman, ton projet Moi, je dis, ouais, je n'aime pas faire les reprises, ça me gonfle de faire des reprises. Oui, sauf que tu en as fait une autre. J'en ai fait, et puis finalement, je me suis un peu légèrement pris au jeu, parce que je n'en ai pas tant que ça. Je fais également une reprise sur scène de Space Oddity de David Bowie, qui... Mais pareil, là, je suis plus allé sur l'interprétation qu'en a fait les Smashing Pumpkins, par exemple. D'accord. De moins l'original, qui, voilà, Billy Corgan, donc pour le coup. Mmh. Et, donc, qui était l'anniversaire des 50 ans de Bowie, il y était. Ouais, bah oui, c'est un fan, hein, Corgan, hein, voilà. Et une reprise de blues, pour le coup, d'un Black Country Woman de l'album Physical Graffiti de Led Zeppelin, mais repris à ma sauce, voilà, open de sol, bottleneck et tout le truc. Donc c'est vraiment c'est sympa. Après, clairement, moi, c'est vraiment la compo. Voilà. Alors, juste pour ceux qui ne se souviennent pas de Tears for Fears, c'était Shout, c'était Everybody Wants to Rule the World, entre autres. Vous tapez sur pareil, sur Deezer, et vous réécoutez, et vous saurez ce qu'écoutaient vos parents. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on a 20 ans d'écart entre tous les deux, tu pourrais être mon fils. Moi, on fait... donc voilà, je te propose d'aller t'installer pour ce titre. Super. Mad World, interprété par Blown of a Man. C'est pas évident parce que je mâche les mots, c'est pas évident. Moi, je mange des patates pour avoir l'accent anglais. Donc, vas-y, va t'installer. Et c'est le talent d'ici, de ce jeune homme qu'on appelle Max dans la vraie vie. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Thank you. Talent d'ici avec David Ménard. Talent d'ici avec Blonde, B-L-O-W-N, off, 2F après le O. C'est ça. Man, M-A-N, ou Main, si vous prenez avec l'accent de l'Irlande du Sud. Pourquoi pas? Ou de l'Écosse. Ouais. Oui, c'est l'Écosse, mais c'est pas l'Irlande. Heureusement qu'il n'y a pas un R dans le mot. Non, pourquoi? J'aurais roulé le R si on voulait faire vraiment l'accent. Je voudrais juste qu'on rappelle le label. Alors, le label 3H Productions, dont le 3H Productions, dont le siège se situe à Gondange, en Moselle, donc producteur Raoul Léninger, et puis sa femme et auto-management, Fabienne, que je remercie, avec Raoul, voilà, sur cette... voilà, j'en profite. Raoul, c'était un titre que le chanteur de Tears for Fears a créé. Ça va le faire rigoler. Je pense quand il va écouter ça. Non, c'est vrai. Quand il a chanté seul. Raoul, le roi d'Espagne, c'était d'ailleurs. Ouais. Son fils s'appelle Raoul. D'accord, ok. Si ça ne t'intéresse pas, tu me le dis. Hein. Mais je pense, j'imagine la réaction de Raoul Léninger, enfin, prod, quand il va écouter ça. Et ça va le faire rigoler, ça va le faire sourire. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, une date de concert au mois de mars. Mois de mars. C'est pas un concert, c'est un défilé. Oui, c'est une soirée privée. Après, il y a d'autres events qui vont arriver. Événement, voilà pour le coup, mais pareil, c'est sous confirmation de date. Voilà, je suis en train de. Alors, vous regardez, il y a une page Facebook. Oui, j'ai. Sous le nom de Blonde of Men. Non, il y a un SoundCloud sous le nom de Blonde of Men. Je suis que sur SoundCloud et donc voilà, si vous voulez aller écouter, vous pouvez également m'envoyer des messages si vous-même vous avez SoundCloud via votre SoundCloud et mon SoundCloud. Et puis, effectivement. Voilà. J'entends loin arriver le générique sur les landes écossaises avec le Nessie. Ah, d'accord, ouais, hein, le Nessie. Ce chakré Nessie. Il paraît que c'est une anguille géante. Il y a plusieurs théories en fait. Le Nessie. Oui, on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, mais moi je pense qu'il n'y a pas de monstre. Il y a eu plusieurs théories et en fait tout confirme qu'il n'y a pas de monstre. Désolé donc pour les auditeurs qui vont à la chasse au Nessie. Non, il n'y a pas de monstre. On remercie Bruno du Marais, c'est ça ? Oui, Bruno également qui était passé ici. Oui, parce que bon. Mister Fudzibi. Fudzibi. On a échangé quelques fois sur ce qu'on faisait. Lui et moi, je remercie également La Face Cachée, j'en profite, je les remercie toujours, Florian Chal, Médéric Cable, Delphine, Julien Louvet et Nicolas Quirin aussi, qui était mon ancien collègue, qui a été ensuite programmeur sur différents lieux. Je le remercie d'ailleurs. Et le reste, c'est sur la pochette. Et le reste, c'est sur la pochette. Parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Et voilà, on n'a plus le temps. Voilà. Merci à toi, Max. Eh ben, merci à toi, merci à vous. Pour le coup. Voilà, Antoine, qui est le co-animateur de cette émission. Merci, Antoine. À très bientôt. Merci pour les doigts, Antoine. Applaudissements pour Antoine. Merci, Antoine, bravo. C'était un talent d'ici de Blonde of Man. Voilà.